100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français avec une première partie nocturne. PSO Thug, le projet vient de sortir aujourd'hui. Il s'appelle Démoniaque. On est avec la moitié de PSO Thug. L-E-T-O, mon gars. Comment ça va, Leto? En forme? Ça va, on est là. Hein. En pleine c'est forme bien. En pleine forme. Bon, et toi, ça dit quoi? Eh ben, ça va bien. Écoute, c'est parti donc pour cette nocturne. Le projet est sorti aujourd'hui. Aujourd'hui, là, Démoniaque dans les bacs, mon gars. Va le chercher. PSO Thug, un petit point, un petit CV express rapidement, le parcours PSO Thug. Donc groupe de rappeurs parisiens, ouais, 17ème. Groupe de rappeurs, 17ème. LETO, Aero, tu connais. On a commencé par des petits freestyles sur YouTube. Ouais. Après, les gens, ils ont cliqué, donc on a continué, hein. Tu connais. Et là, l'aventure continue. Voilà. Bon, Démoniaque. Step dans les bacs. Ça va, content? Soulagé, ça bien va. Tranquille, hein. Ça se passe bien en plus, là. Ça va. Ça va. Ça va, ça va. Me dit-il avec un grand sourire. Ouais, ça va. Bon, bah, coup d'envoi de cette nocturne. On va débuter avec un extrait de Démoniaque, un morceau avec, avec Sadek. Avec mon gars Sadek. Un morceau qui s'appelle Plein les poches. Fuck les codes, fuck les. Savez ce qu'il est. Savez ce qu'il est. Faut que la voisine ouvre sa porte. Oh, oh, oh. Plein les poches, je m'en mets plein les poches. Ruina Belvedere, c'est fini la Pouliaco. Oh, oh, oh. Plein les poches, plein les poches, plein les poches. Je m'en mets plein les poches, plein les poches, plein les poches, plein les poches. Je m'en mets plein les poches. Avant de vestir qui les cops, je reconnais même plus mes proches. Ça devient chelou, je crois qu'on fait des jaloux. Si tu parles, on te serre ton cou. La poudre est pesée, tout est bon, tout est prêt. Le forfait du chiffre comme toujours. J'ai jamais changé, le flingue est nettoyé. Pour mon gang, j'ai beaucoup trop d'amour. Ton papa vient pécho, ta maman fait la choix. Elle kiffe quand je lui mets son cou. J'remplis le cop, j'suis fuck top. J'remplis ce Glock, là t'es mort. Ton équipe n'a pas de thune. Et ta meuf dans ton huc. Elle vient juste de me sucer. Et cet enfoiré de négro, la guélan. Sapla, vente sa charbonne tous les jours de janvier à décembre. Le crimpé, le crimpé, le crimpé. Obligé de cellophane et ses sentiments. J'ai mon double cop, faut vesquer les cops. Bitch, je kiffe tes formes, double bang. Fuck les cops, fuck les. Savez ce qu'il est, savez ce qu'il est. S'il pète le kit, s'il pète le. La voisine ouvre sa porte, oh, oh, oh. Plein les poches, plein les. J'm'en mets plein les poches, j'm'en mets plein les. Ruiner Belvé, ruiner Belvé. La Pouliaco, oh, oh, oh. Plein les poches, plein les poches, plein les poches, plein les poches, plein les poches, plein les poches, ouais. En concurrent et que ta liste. Pas de micro-vert dans les manies. On a les sacoches et les mallettes. Et les visages floutés dans leurs documentaires. Pour vous distraire et nous faire taire. Pendant que ces fils de pute tuent la planète. Je connais l'entrée pas la sortie. Cette piste pour des barrettes. Cette piste pour des barrettes. Les pédophiles prennent du sursis. Qui est-ce qu'on remercie pour le sang et la sueur versée? Destin baisé percé dans des berceaux percés. Pas de nouveaux amis, de nouveaux habits. Pour tous mes amis qui ont su rester fidèles. Pour tout à ta fille au lieu de t'occuper de ma vie. Si tu veux pas l'avoir en I dans un Jacques et Michel. J'arrive sur scène vers Satya en XL. La qualité de mon shit, on parle pas de tes pixels. Faut les cops, savez ce qu'il les cops. S'il pète le guetteur, faut que la voisine ouvre sa porte. Oh, oh, oh. Plein les poches, j'm'en mets plein les poches. Ruina Belvedere, c'est fini la Pouliaco. Qu'on arrive, on est pisté. Tous les choix, c'est des fils d'eux. Sous Jack, des manque de respect. Roule un petit, fais le tourner. Fais ce qu'il est comme ça, MG, fais le gronder. Donc je commence à coffrer. Sous adresse, non, je veux pas me faire péter. Accélère, faut plus jamais s'arrêter. Tourne à droite, et juste après, c'est fini. Aéro, qui me stoppe. Gros des thunes, moi j'en veux encore. Sans la cul, sans remords. Coup de marteau, et tu m'appelles Thor. Pour te finir, il est pas trop tard. Pour te finir, il est pas trop tard. Va pêcher démoniaque. On marche ensemble, mais c'est chacun sa part. On a tout pris, aucun bruit dans la part. Démoniaque est la finition. 17 viseurs, précision. Porte 5 points, première position. Taille des sans flammes, c'est la tradition. Démoniaque est la finition. 17 viseurs, précision. Fête, fête les cops. Savez ce qu'il est. Savez ce qu'il est. S'il pète le guetteur, faut que la voisine ouvre sa porte. Oh, oh, oh. Démoniaque, le 20 mètres dans les bacs. Plein les poches. Négro. Ruina Belvedere, c'est fini la tech, tech, tech, tech. Plein les poches. Plein les poches. Plein les poches. Plein les poches. Ouais. chaud démoniaque, négro. Tout est bon. Le crime paie. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. This sounds like the alchemist. Ouh! Che! Cette chose va se marcer pendant que je cuisine la dope. Ouh! Ça blesse tous les jours dans le corps en esquivant les cops. Rats, rats. Acrobolie des ton clito réagit plus vite qu'un moteur. On veut de l'argent face, il trouve mon poignet, fait plus vite qu'un mixeur. En train de courser, te cache. Maillard en bout, tu te caches. De la narcotique dans la grave. Si tu le contredis, il te calme. En train de courser, te cache. Maillard en bout, tu te caches. De la narcotique dans la cave. Si tu le contredis, il te calme. Si tu le contredis, il te calme. J'ai coffré cette dope dans la cave. Cette bitch marcelle tous les soirs pendant que je dis sur le boulevard. Gassier à son 30 balles, tu ferais mieux d'étale. Je me croise dans Breaking Bad en train de visser ses schlags. Si rock dans mon double cup ce soir, je suis à l'hôtel. Une grosse attente d'urgence, Adèle m'appelle l'hôtel. L'oseille est là, je rapplie. Pour casser ta porte, je m'applique. Mon gang est rempli de vis, ton gang est rempli de snitch. Double pain, sketch. Tous ces négros sont des traits, juste sur le corner. Je blesse. Tous ces Yankees qui défilent. Libéré Crane Max. Tu sais que je suis libéré Gassi. Libéré Chami. Libéré Cosby. Libéré Shark. Cette chose va se pendant que je cuisine la dope. Ça blesse tous les jours dans le corps en esquivant les cops. Acrobolie des ton clito réagit plus vite qu'un moteur. On veut de l'argent face, il trouve mon poignet, fait plus vite qu'un mixeur. En train de courser, se cache. Voyant en bout, tu te caches. De la narcotique dans la cave. Si tu contredis, il te calme. En train de courser, se cache. Voyant en bout, tu te caches. De la narcotique dans la cave. Si tu contredis, il te calme. Histoire de bif, histoire de gens hard. Tu racontes ta vie, tu pars ton check-in. Chacun ses soucis, c'est chacun sa part. Ouais, laisse deux trois bitches dans le manoir. Quelque chose à dire, je ne pense pas. Moi je vous fuck tous, quand je me la pète pas. Je recopie qui, putain vas-y dis-moi. Vu mes nocives et puis tour de magie. Moi j'écris tard le soir, j'ai trouvé mon inspire dans un putain de grimoire. J'ai appris à gérer ma folie par le mal. Toi tu croyais que j'avais taillé. Toi tu croyais que j'avais trahi. Faudrait penser à la fermer. Trop ténébreux, visage fermé. Combien parmi les vôtres se font berner. Combien parmi les nôtres sont enfermés. Une fiche que je rappe mais j'en vois comme pas permis. Trop ténébreux vont finir par m'interner. Trop ténébreux vont finir par m'interner. Démoniaque le 20 mai dans les bacs. Vite va pêcher ton CD. Vite va pêcher ton CD. Ouh. Vite va pêcher ton CD enfoiré. Vite va pêcher ton CD enfoiré. Vite va pêcher ton CD enfoiré. Chut. PS au Thug avec nous dans ce début de nocturne à l'instant avec un morceau qu'on écoutait qui s'appelle Thugging que vous retrouvez sur le projet Démoniaque. C'est dans les bacs depuis aujourd'hui. On fête la sortie. Et ouais, ça on y est. La fête là. Ça y est, c'est fait. C'est dans les bacs depuis aujourd'hui. On peut cliquer aussi et aller télécharger légalement, je précise. Partout. Pour récupérer des maintenant. Teaser. Partout, tu connais. PS Auto, il y aura pas une séance de dédicace aussi qui est prévue prochainement au petit. C'est mercredi prochain, ouais, c'est ça, il me semble. Ouais, mercredi, c'est où? À Sniper. Ah, bah, ah ouais, quartier, chez mon gars Sniper, au quartier, gars. C'est dans le 17ème, métro La Fourche. Métro La Fourche, 75-017, tu viens à Sniper, mercredi. Vous récupérez, l'album, vous le faites dédicacer. Ouais. Avec PS Auto, avec tout nous, on va repartir sur le projet Captain Cook. Vas-y, capitaine. Capitaine, capitaine, capitaine. Capitaine, capitaine, capitaine. Sounds like the alchemist. Ghost killer prod. Y'a pas de bang. Elle veut qu'on tisse des liens. Captain Cook. Je lui propose un verre de ligne. Captain Cook. On n'est pas de mèche avec les flics. Captain Cook. Dans la poche un gros paquet de si. Captain Cook. Je suis dans la kitchen avec S. Comme chevet je blesse. T'approches pas si tu n'es pas des nôtres. J'en passe cette dope. Et je suis à l'hôtel avec elle. Tu reconnais le gang. J'ai ce truc chez Kasuma avec adrénaline et je baisse la fenêtre. Je suis trop hardcore pour cette bitch. J'ai les flics qui me suivent, vous êtes pas prévenus. Après ma transaction, je m'occupe de ton cas. Chéri, t'inquiète pas. Givenchy ou Prada. Libérer mes deux gars. Nicosso pas bloqué, ces drogues ne s'arrêtent pas. Ce soir, je suis sur le corner, y'a trop d'yankees qui passent. Je recule pour mieux défoncer la porte de chez toi. Whippin' et whippin', je fouette comme ça. Et cette chaudasse kiff, comment je cook. Pute, sale pute. Ne perds jamais dans le four. Elle veut qu'on tisse. Bergamo. Après mon E, je te fais la peau. Mets-tu dans le bendo et crendo. Retourne-toi, je veux voir ton dos. Conduis par derrière comme d'habitude. Barbare te gâte, dis-tu l'attitude. Captain, et je sais que ma cam est mortelle. Comme c'est dans ma tête, c'est bordel. Captain, aucun de mes négros n'est honnête. Perdir depuis la maternelle. Captain, on en veut toujours plus avec Guy et Brabus, double fait fini. Je suis toujours à l'affût. Je crois que je vais changer ma puce. Cette peut te réclamer mon stup. Bang. Et j'ai ce flingue assorti. Ça coupe dans la zinqui. Je fais plaisir à ces junkies. Avec ce putain de produit. Capitaine Cook est sorti. Toi tu frimes nous au deal. Démoniaque, le vin même. Capitaine Cook est sorti. Toi tu frimes nous au deal. Elle veut qu'on tisse des liens. Captain Cook. Je lui propose un verre de lean. On est pas de mèche avec les flics. Dans la poche un gros paquet de flics. Captain, Captain, Captain, Capitaine, Capitaine, Capitaine, Captain, Captain, Captain, Capitaine, Capitaine, Capitaine, Captain, Captain, Captain, Double, Double Bang, Captain, Double, Double Bang, Captain, Double, Double Bang, Captain, Captain, Captain, Capitaine, Capitaine, Capitaine. Capitaine, capitaine, capitaine, capitaine, capitaine. Démo, niaque, le vin, mais. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Donc vas-y pousse-toi Captain. Bless, bless. Pour tout ce cash faut des élastiques par centaine. Gang. Tous les jours c'est la même, c'est schlag de m'emmerde. Double bang. Lequel de ces négros? Lequel de ces négros? J'ai mon extendo. Extendo, extendo. Ce lien s'occupe du mago, ça blesse dans le bendo. Comme c'est du Orlando. Bless, bless. Et je viens te trouver si tu me chais cher. Cette chaudasse me plaît, je l'interpelle. Bless, bless. Te dis c'est la posture. Il copie mon flow, c'est un poster. Les filles se ramènent, dis le guetteur. Bang. Bless, ça blesse. Bless, ça blesse. Bless, ça blesse. Bless, ça blesse. Bless, bless, bless. Ça blesse. On baisse. Bless, ça blesse. On baisse. Bless, ça blesse. On baisse. Bless, bless, bless, bless, bless, bless. Dans mon ghetto, mec, le niveau d'ivresse. Libéré crâne. La vérité qui blesse. Conduite sans permis en état d'ivresse. Tu préfères nous gratter que gratter ta pièce. Minuit moins 5. Ouais, je sors du bendo. Pour toi, c'est l'extendo. Dérangé l'extendo. Ce soir, je m'endors sur le corps de 7 juin. Avant de m'arrêter, je me suis roulé 7 juin. Appelle masque, je vais viser dans un coin. Et je rejoins Chami vers la porte de Saint-Ouen. Me tends par la main ou j'arrache ton poignet. Je navigue la nuit sous un ciel étoilé. Personne me donne, mais je t'ai dépanné. J'écris en Italie. Je suis tout le temps décalé. Libéré Kramage. Cette année. Libéré Kramage. Direction étoile, c'est DG, je gère tous mes jazz. The S. A tous nos barbares, bientôt les élections. Votez The S. S. Tu me donnes la pression, commandre GS de ma part, tu te mets la pression. Aucune façon, toute présentation, monte dans ma location. Si c'est comme état, je me présente en façon. Évaluation de toutes tes capacités physiques. Je vois que c'est chaîne, évacuation. J'parle quand, première personne du singulier. Comme j'ai dit ma version. Pas de temps de polémique, gays de bébé, lance la sauce. Section. Section. Ça blesse, blesse, ça blesse, blesse, ça blesse, blesse, ça blesse, blesse, blesse, blesse, ça blesse, blesse, ça blesse, blesse, ça blesse, blesse, blesse, blesse, blesse, blesse, blesse, blesse. Ça blesse. Bienvenue dans mon hood. La chouiture c'est des vautours. baiser ses putes, moi je vote pour. Où dans le four et dans le blaze, histoire de bif, je retourne pas ma. Numéro uno. De weed dans ma tête c'est bordel. Numéro uno. De kiff, j'ai mon bar à l'hôtel. Vas-y, oula dans ton putain de bif. Faut que je prenne le bif et j'esquive toutes ces bitches. Y'a de la verre pour Noël, donc on l'appelle The Grinch. Toi t'as cramé mon tel, donc t'es plus sur la liste. Laisse tous ces pédés font que parler. Passe la vitesse et finis premier. Nique toutes ces putes, on va les baiser. Blesse dans mon hood, on va terminer. Blesse, ça blesse. J'suis dans les ouais toute la semaine. Jackie, Jackie, Yankee, Yankee. Yeah, vas-y, pousse la fraise. Mais c'est nul pour eux, c'est la haisse. Deux jours comme deux nuits, elle Marcel. Sept plus va chercher la recette. Pendant que j'suis sur le corner et moi je blesse. Blesse, blesse, blesse. Sale pute, blesse. J'suis dans la hurle, j'compte même plus mes victimes. Blessure, blessure. J'ai ma pire victime pour te mettre un penalty. Un penalty. Pas la mort, c'est la crème max, c'est la G. Blessure. Quand est-ce que tu vas te manger la gifle? Oui! Ça blesse, démoniaque, ça blesse. Le 20 mai, ça blesse, démoniaque, ça blesse, blesse. Le 20 mai, ça blesse, hein. Ça blesse, ça blesse, ça blesse. On te baise, blesse, blesse, blesse, blesse, blesse, blesse, blesse, blesse, blesse. X de barbare, PS au tag, démoniaque, le 20 mai, babang, bang. C'est la nocturne, PS Autug au contrôle de la nocturne sur Skyrock avec, eh ben avec le quartier XV Barbare, Cranmax aussi sur le morceau, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Libéré Cranmax, tu connais. Et ben une dédicace donc à Cranmax, voilà. À l'écoute peut-être de cette nocturne spéciale PS Autug. Toi, j'ai envie de dire à ton acolyte également, qu'est-ce qui vous a poussé vous à rapper? C'était plutôt les grands du quartier, c'était... À rapper? Ouais, ceux qui vous ont mis dedans. C'est les Quinri, hein, sérieux. Ah, Quinri, ouais. Les Quinri. Ah, attends, vas-y, je t'entends plus. De quoi? Il y avait aussi un peu la section, tu connais? Ouais. Avant. Mm-hmm. Après, c'est tout, hein, les Quinri plus. Hein. Plus les Quinri. Ouais. Ouais. Et là, pareil, t'écoutes beaucoup son quoi, Quinri plutôt. Ouais, Quinri. Hein. Toujours? Ouais. Et là, il y a aussi depuis aujourd'hui Démoniaque. C'est dans les bacs depuis aujourd'hui. Pèse au thug. On va finir avec une dernière session. On repart sur quoi? Cauchemar? Vas-y, cauchemar. Démoniaque. Ah, démoniaque. Mes cauchemars ont enterré tous mes rêves. Elle a reconnu le gang, donc soir se bat de manière. Mon bébé, j'ai bibi toute la journée. T'inquiète pas, notre vie va changer. T'as capté, j'suis pisté. Yanklit, c'est ton bel-off délové. Sous jadé, produit coupé. Faut chiffrer ton bel-off délové. Cache, cache, cache, cache. Tous mes cauchemars l'ont prouvé. Tous mes cauchemars l'ont prouvé. Midi, minuit, trois à Calibi. Chérie, j'devais skill pour faire plus de chiffres. Des terres comme tir aussi, j'dois te liquider. Produit de qualité, mes liens sont augmentés. Prépare tes affaires, bébé, faut filer. J'ai côtoyé le rein télé, j't'agglais de traits. Un flingue sur la cam t'empêche de rêver. J'ai donc tes mecs quand j'me sers un revêt. J'ai pesé le pour et le contre. 11-43, moi je pousse pas la fonte. Numéro uno, donc j'ai creusé ma tombe. Numéro uno, posé dans le checks. Allez, allez, courez dans le bex. Putain de merde, tout est sous ma veste. Ils ont pété un man, ils ont fumé dans la caisse. C'est devenu tout pâle, trop de fumée dans la pièce. J'utilise la balance, tes négros ballons. J'fais rentrer et j'dépense. Tous ces gueuches là en transpert vers depuis l'enfant. J'ai cette cam en avance. Et j'ai trop d'amour pour mon gang. Démoniaque, démoniaque. Mes cauchemars ont enterré tous mes rêves. Elle a reconnu le gang, donc soir se bat de manière. Mon bébé, j'ai bibi toute la journée. Le crime pète, t'inquiète pas, notre vie va changer. T'as capté, j'suis pisté. Yanklit, c'est ton bel-off délové. Sous Jack D, produit coupé. Faut chiffrer ton bel-off délové. Double bang, tous mes cauchemars l'ont prouvé. Tous mes cauchemars l'ont prouvé. Baisse cette bande de salopes. Paye-moi cash, me mets pas de carotte. Et si tu me vois seul la nuit, je barote. C'est pour le bif, pas le bif des allocs. Brasse, résidu de crack. Oh, j'batte, j'prends un pour Watt. Enfile ta cagoule et rentre dans le bar. On va t'attraper dans ton cauchemar. OG cash dans le pochetard. Nos rues sont sombres et démoniaques. Tu me cherches, te trouve, tu parles, j'te trouve. Mes thugs au trou, j'ai les toys aux trousses. Un, ya. Yeah. Ya, ya, PS au tag. Mes cauchemars ont enterré tous mes... maniaque, le bain, mais bitch. Mon bébé, j'ai bibi toute la journée. Le crimpé, t'inquiète pas, notre vie va changer. T'as capté, tu pisté. J'en clip, c'est ton bel-up délové. Sous jacté, faut du coupé. Faut chiffrer ton bel-up délové. Double rat. Tous mes cauchemars l'ont prouvé. Double chiche. Double pas. Tous mes cauchemars l'ont prouvé. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Wouh. Litro gamos gaz. Embrouille cocaïne. Tu me supplies comme un schlag. Dès que je me lève, je prends mon arme. Litro gamos gaz. Embrouille cocaïne, tu me supplies comme un chag. Dès que je me lève, je prends mon arme. Michto police stress, je recompte le bénéf. Charge du bas chargé, mettez dans maison d'arrêt. Michto police stress, je recompte le bénéf. Démoniaque le 20 mai, charge du bas. Démoniaque le 20 mai, dans maison d'arrêt. Ça sent la weed dans l'appart, où j'ai pété mon joint de bleu. Encore fonce des deux la veille, j'en peux plus. Négro, vas-y, tiens le 22. Un fumeur s'assume. Je ne comprends pas comme un dealer sans thune. T'avais promis les étoiles. Tu n'as vu que la verdure et des têtes plus balèzes que la lune. Ça fait shit, silo dans le refou. Ouh. Demande l'amour, Gabo, Zola, pur. Si ça bouscule, fais comme l'autre fille la pute. Il me faut plus de blé, je veux des armes russes. Pa, pa, pa. Et pourquoi tu te plains si tu sais qu'il y a pire? Demande-moi le prix, pas la raison du crime. F2Z, fais-moi signe s'il arrive. Tu sais qu'il y a des limites. Et c'est moi qui les filme. Attends, je t'explique. Comment ça se passe dans ma zone où c'est le blé qui divise. Moi j'ai piqué la reine pour devenir le king. Vas-y, ferme ta gueule. Ouais, c'est moi qui dirige. Les keufs qui me pissent, là je méprise. Comme un billet, ça s'en fout que je te liquide. Litron gamoslias. Embrouille cocaïne. Tu me supplies comme un schlag. Dès que je me lève, prends mon arme. Litron gamoslias. Embrouille cocaïne. Tu me supplies comme un schlag. Dès que je me lève, prends mon arme. Mais je te police stress. Mais je te police stress. Contre le bénéfice. Je compte le bénéfice. Sors du pas de charge. Sors du pas de charge. En maison d'arrêt. Mais t'as comme maison d'arrêt. Mais je te police stress. Mais je te police stress. Contre le bénéfice. Je compte le bénéfice. Sors du pas de charge. Sors du pas de charge. En maison d'arrêt. T'es mort si tu parles en bruit cocaïne. Coca. Je suis dans le coin d'un avec Malsi. Produit pur, elle suce ma bite même sans manucure. Les bolos reviennent et les caves surveillent. J'agrippe mon flingue dès que je me réveille. J'ai vu les tipeurs arracher ta mère. Je me sers un verre avant de lui mettre à l'hôtel. Une histoire de pou, tu la fermes. Ouh. Elle était Oussama, Adèle le chat famas. Bozo chroma, grosse fiasse, le bolide est normal. Skull, Noa Picos, Rodjonkos. Riado valide Stokos. Riado valide Stokos. J'ai c'est mon gars sort de tôle. J'ai mon gars sort de tôle. Traqué héros d'Olgamos. Anas, Kalash, Shark, Arrache, Faz, me bac, Amine, 22, les keufs nous traquent. J'ai esquivé la bac et mon bac. J'monte à la cheval mon gars black. Double bang, double bang. C'est le crime paix. C'est le crime paix. C'est mon liage. Le 20 mai. Embrouille cocaïne. Embrouille cocaïne. J'oublie comme un schlag. Dès que je me lève, j'prends mon arme. Litro gamos. Litro gamos gas. Embrouille cocaïne. Embrouille cocaïne. J'oublie comme un schlag. Dès que je me lève, j'prends mon arme. Michto police stress. Je compte le bénéf. Je compte le bénéf. Sors du pas chargé. Mettez dans maison d'arrêt. Michto police stress. Je compte le bénéf. Sors du pas chargé. Mettez dans maison d'arrêt. Démoniaque le 20 mai. Pow. Allez, pécho ça les gars. Et même les meufs. Pow. C'est la nocturne avec PSO Thug au contrôle. Bref, c'est pour tout le monde. Hein. Mec Nana, allez pécho démoniaque. Merci Leto d'être passé en tout cas. Bienvenue à toi. Hein. Tu salueras ton compère. Qu'est-ce qui vous attend, la concert par la suite? Bon, mercredi ouais, déjà, vous êtes dans Sniper Shop. Ouais, ça, c'est Métro La Fourche. Venez, séance dédicace. Dans avec vos albums, dans l'après-midi. On est là-bas. Et puis par la suite peut-être des concerts. Qu'est-ce que toi dans l'avenir c'est quoi? Là c'est une première carte de visite, j'ai envie de dire, pour PSO Thug. Ouais. Là il y a des concerts qui s'annoncent. Là samedi on est à Beauvais au Crystal Club. Samedi prochain à Zurich. Je vous invite hein. Venez. Pour tous ceux qui veulent aller en Suisse, direction Zurich quoi. Voilà. Et ben merci d'être passé en tout cas. Merci à toi Fred. Tout est bon. C'est dans les bacs. C'est démoniaque. PSO Thug. Ciao. We'll be right back. Planète Rap. 100% rap français. Allez, suite de la nocturne. Alonso, c'est dans les bacs depuis aujourd'hui, c'est numéro 1 déjà. Avec Jules, c'est ce qu'on écoute. On passera du son de FK après, GLK aussi dans la nocturne, 100% rap français. Ils le savent, savent qu'ils passent aux aves, c'est cave. Parfois je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, tu braves et j'en bave. Toute l'année ça vole, ça se balance à gauche, à droite. Et rien que ça blablate. Moi j'en ai rien à battre. Encore un classique qui nique des mœurs. Attends-toi tous, cette année j'fais carnage. Vroom, vroom, vroom, pousse-toi, j'accélère. J'fais retrembler le Prado carénage. C'est la gratte, comme d'hab, ça braque, ça braque. C'est ici sur le T-Max, T-Max. Pour ceux t'avais que la bac, la bac. Arrêtez de me prendre pour ce que je ne suis pas. T'as voulu me faire la course, mais frérot, tu suis pas. En bouillon, fuis pas, en poteau, on sneak pas. À Halloween, tout l'on arrive, méfie-toi. Ils le savent, savent, qui passe aux aves. C'est cave, parfois je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Tu braves et j'en bave. Toute l'année, ça gratte. Ça se balance à gauche, à droite. Et rien que ça blablate. Moi, j'en ai rien à battre. Toute l'année, ça gratte. Ça se balance à gauche, à droite. Et rien que ça blablate. Moi, j'en ai rien à battre. Pousse-toi de là, on va te faire mal. On danse sur les pimpons, c'est infernal. Tu me fais le gros, tu n'as même pas 30 balles. Et tu parles trop quand t'es au tribunal. Tu te sens mal, tu te sens mal. Depuis que tu fais P1, tu n'as plus d'amis. T'as gâché, t'as fait couler, mais qu'est-ce qui t'a pris? Je pense que tu as fait ta vie. Que des traîtres, qu'ils aillent se faire mettre. J'accélère en CBR, en SLR. Si tu me vois tout niquer, dis-toi que c'est l'heure. Je fais pas de manière, je suis rap. Ils le savent, savent qu'ils passent aux aves. C'est cave, parfois je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Tu braves et j'en bave. Toute l'année, ça gratte. Ça se balance à gauche, à droite. Et rien que ça blablate. Moi, j'en ai rien à battre. Toute l'année, ça gratte. Ça se balance à gauche, à droite. Et rien que ça blablate. Moi, j'en ai rien à battre. En tout cas, on s'aime pas, mais on s'attache. On garde des bras d'or, on s'en fout d'être à la poche. Charbon, cambu, braquage. Ma génération veut du cash. C'est le son de la gratte, les couilles. Mais ça pas la main si tu te grattes les couilles. Si toute ta famille traque les tous. Si tu les croises, écrase les tous. Tu te caches, mais on sait tout. Pour rentrer chez toi, tu fais des grands détours. Et qu'il faut que vous me rendez fous. Si vous êtes chaud, on se donne rendez-vous. Ils le savent, savent, qui passe au sable. C'est cave, parfois je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Tu braves et j'en bave. Toute l'année, ça gratte. Ça se balance à gauche, à droite. Et rien que ça blablate. Moi j'en ai rien à battre, le sable, le sable. Toute l'année ça gratte, le sable, ça se balance à gauche, à droite, le sable, le sable. Et rien que ça blablate, le sable, le sable. Moi j'en ai rien à battre. Toute l'année ça gratte, à gauche, à droite, rien que ça blablate. Il le sable, le sable, il le sable, le sable, il le sable, le sable, il le sable, le sable. Alonso, oh my god. Voiture de log, tu finis en cloque. Et j'allume ma clope, j'ai sali ta robe. Oh my god, oh my god. Oh my god, t'es trop skinny, te mets pas en bikini. 90 mini, au volant de ta mini. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Laisse-moi la la la.

vont, j'y étais hier. J'peux tuer le match sur un corner. J'peux tuer le game sur un coup de nerf. N'importe quoi ce qui me passe par la tête. J'viens du 9-4, je suis pas de la jet set. Je marche au droit, je ne fais pas de courbette. J'fais la brise à des mecs qui finissent aux assiettes. Ah, j'ai la voiture au moins qu'à la rage. On dirait que je rappe un couteau sous la glotte. 20 ans après, j'suis toujours aussi frais comme la mafia qu'un fric. J'aurai toujours la cote. J'ai touché une prod de Finney. Prod de Finney. J'ai touché une prod de Finney. Prod de Finney. J'ai touché une prod de Finney. Prod de Finney. Allô, allô. C'est qui? Mais pas semblant de pas savoir qui c'est. C'est n'importe quoi. Planète rap, 100% rap français. Famille nombreuse, les uns sur les autres et les mains dans le même plat. On a souffert, on souffrira, s'il faut on continuera comme ça. Continuerai mon combat pour l'unité. Ceux qui m'aiment me suivent. C'est pas toi contre moi, c'est nous contre eux. Main dans la main, tu piges. Avant de me remplir les poches, c'est la famille d'abord, tu piges. Bats les couilles d'être un mec hardcore, tu suis. Depuis l'époque, toujours fidèle à mes principes. On m'a dit qu'être sincère, ça vend des partis. Je me mélange à Sunpierre, c'est mieux comme ça. J'ai voulu partager, ils m'ont dit chacun pour soi. La tête de ma mère que je lâcherai pas l'affaire. J'utiliserai ma plume pour leur faire la guerre. La passion rallume la flamme. Alors le bifton éteint les âmes. Fais pas la piste, c'est pas mon refrain. J'ai ramé, j'ai jamais mendié. Vas-y compte tes euros. Comme moi j'essaie de compter le nombre de gens que je rends heureux. J'ai pas que ça à faire, pousser la fonte. On est 6-3 entre nous, la honte. On est tous un peu fond par notre histoire. Même le pire des fois, je vois une partie noire. Mon meilleur ami est un partout. La France en couleur, c'est nous, c'est vous. On m'a dit tu veux des vues, mais des culs. Mais j'ai une mère, une soeur, petit fils de pomme. J'ai jamais donné dans la facilité. Gosse bien éduqué, même si j'étais mal tapé. Famille nombreuse, les uns sur les autres et les mains dans le même plat. Warriors, on a tout fait, on souffrira. S'il faut, on continuera comme ça. Warriors, je continuerai mon combat pour l'unité. Ceux qui m'aiment me suivent. Warriors, toi contre moi, c'est nous contre eux. Main dans la main, tu piges. Warriors. Famille nombreuse, les uns sur les autres et les mains dans le même plat. Warriors, on a tout fait, on souffrira. S'il faut, on continuera comme ça. Warriors, je continuerai mon combat pour l'unité. Ceux qui m'aiment me suivent. Warriors, toi contre moi, c'est nous contre eux. Main dans la main, tu piges. Warriors. Pour faire la paix, ça se passe dans l'effort. Rien à foutre de qui a raison ou qui a tort. Reporte jamais un je t'aime à un de tes proches. Fais toujours passer ton cœur avant tes poches. On n'est pas né dans les blocs pour y crever. Hériter des problèmes sans coller. L'humiliation au public, vous aimez ça. Dès que les mecs se clashent, ouais, faut cliquer ça. Au lieu de calmer la tension, vous l'empirez. Vous aimez le rap français, mais vous divisez. Au lieu de calmer la tension, vous l'empirez. Vous aimez le rap français, mais vous divisez. Chaque lame versée est une mère en crise. À chaque échec de la banlieue, ils applaudissent. Je te rappe ma rage et la painerie. Rien à foutre du showbiz, je m'invente pas de vie. T'aimerais que je te parle de drogue, c'est ça que t'aimes. Le free pop, les textes, moi, c'est ça que j'aime. Toute l'année sur le terrain, mais je crois plus les halls. Jamais dit non à Mouloud pour un concert en tôle. Je donne pour la cause, j'suis plutôt solar, j'suis dans le combat et la prose. On se crache dessus, on s'respecte même pas. Un peu normal que les médias nous marchent dessus. Ils vont dire que t'as pas de couilles parce que tu veux la paix, hein, soul. J'ai fini de squatter les halls, faut savoir montrer l'exemple, Mehboul. Ils vont dire que t'as pas de couilles parce que tu veux la paix, hein, soul. J'ai fini de squatter les halls, faut savoir montrer l'exemple, Mehboul. Famille nombreuse, les uns sur les autres, les mains dans le même plat. Warriors, on a tout fait, on souffrira. S'il faut, on continuera comme ça. Warriors, je continuerai mon combat pour l'unité. Ceux qui m'aiment me suivent. Warriors, toi contre moi, c'est nous contre eux. Main dans la main, tu piges. Warriors. Famille nombreuse, les uns sur les autres, les mains dans le même plat. Warriors, on a tout fait, on souffrira. S'il faut, on continuera comme ça. Warriors, je continuerai mon combat pour l'unité. Ceux qui m'aiment me suivent. Warriors, toi contre moi, c'est nous contre eux. Main dans la main, tu piges. Warriors. 100% rap français, planète rap. La nocturne.

Kadash, ça arrive aussi. On n'est pas des teutres pour te planter dans ton dos. Moi chérie, toute la journée, tu pédo dans le bendo. Un vécu de bandito, j'ai donné des doses. J'ai donné, pardonné des choses. J'suis dans mon délire. Ouais, j'suis dans mon délire. J'suis dans mon délire. J'suis dans mon délire. Ouais, ma chérie, viens nous voir. Ouais, ma chérie, viens nous voir. Ouais, ma chérie, viens nous voir. J'suis dans mon délire, viens me voir. Ouais, ma chérie, viens nous voir. On fait du sale toute la journée. Viens vite pour y croire. Des bandits au presque genou. Les vendeurs sont là. Les condés sont là. Obligé d'être coupable, vu nos gueules de zone là. Obligé d'être coupable, obligé d'être coupable. Obligé d'être ou pas, obligé d'être ou pas. Ta maman te l'a pas dit, fils d'un pute. Mais t'es né d'une touche pas, fils d'un pute. Cet hiver faut j'me bats, faut j'me bats, faut j'me bats. Au soleil, au soleil, au soleil, au soleil. J'suis loin de vous. Ils parlent sur moi, ça siffle dans mon oreille. T'es sur haut-parleur quand t'entends l'écho. Crois pas que t'es sur écoute. Nous on serre de nos couilles. En temps de guerre, on serre les coudes. Pendant que tu sens les coups. On jubile, on jubile. Tu veux ma peau, fais patiner moi si tu connais mon domicile. On n'est pas des teutres pour te planter dans ton dos. Ma chérie, toute la journée, tu pédo dans le bendo. Un vécu de bandito. J'ai donné des doses. J'ai donné, pardonné des choses. J'suis dans mon délire. Ouais, j'suis dans mon délire. J'suis dans mon délire. J'suis dans mon délire. Ouais, ma chérie, viens nous voir. Ouais, ma chérie, viens nous voir. Ouais, ma chérie, viens nous voir. J'suis dans mon délire, viens me voir. J'ai compris que la vie n'a aucun prix. Le seul remède, c'est l'air pris. J'suis venu, j'ai vu, bah oui, j'ai tout pris. Il me reste plus comme casser d'ici, par devant la gueule des villes-ci. Je me vois au bord de la playa, à la bouche un gros garcé. Allez reste assez. Il faut que t'balais, mais non même pas TC. Comme une tiens. Minimum V6, ton champion, je mets ça à la WC. Vers que le crochet petit pot. Ouais. C'est pour mes gars du petit blanc. Ouais. J'oublie pas d'où je viens petit con. J'suis dans le carré, vite ma Thuzalem sur la pleutard. Je ne touche pas. Car de là je ne pousse pas. Mais pour tes becs, c'est bec à les touches car. C'est chaud ça tire. J'ai de la frappe du doré, le temps pour c'est pas storé. La peufra. Le chétan mène la danse, bandit, on fait pas de corée. Jamais. On n'est pas des teutres pour te planter dans ton dos. Ma chérie, toute la journée, tu pédo dans le bendo. Un vécu de bandito. J'ai donné des doses. J'ai donné délire. Ouais, j'suis dans mon délire. J'suis dans mon délire. J'suis dans mon délire. Ouais, ma chérie, viens nous voir. Ouais, ma chérie, viens nous voir. Ouais, ma chérie, viens nous voir. J'suis dans mon délire, viens me voir. Planète Rap. J'en ai vu de toutes les couleurs, surtout des rouges et des bleus. Gyrophareur, j'avalerai pas leurs couleurs. Faut que les matins pour les 11, j'préfère rouler ma bain. J'suis marié à la street, la vie est plus belle à deux. DKR m'a dit Nina, y'a R. On de gros, y'a nous et y'a eux. Arrissime comme un négro oscarisé. J'vais les traumatiser, dans la tête, lumière tamisée. J'arrive à viser, prends mes bracelets gris métallisés. Lyrics majeur, public avisé. Est-ce les tapinés, s'auto-validés. Y'a qu'à Disney que les rats sont animés. Tout est noir dans mon calumet. Rafale de AK pour l'allumer. What, why them now? Them cat is we nana. Them cat is we nana. What, why them now? General KLH pour te saluer. J'en ai vu de toutes les couleurs, surtout des rouges et des bleus. Gyrophareur, j'avalerai pas leurs couleurs. Faut que les matins pour les 11, j'préfère rouler ma bain. J'suis marié à la street, la vie est plus belle à deux. DKR m'a dit Nina, y'a R. Monde de gros, qu'à nous et à eux. Je me sens aimé quand j'ai des ennemis. Quand c'est leur go qui gémit. Bien sûr, elle crie au génie. Rastafari, je suis béni. Je monte sur Paris, je prends mes euros. Je suis trop frais, c'est un délit. T'es pas dans le bando. T'es sur le banc comme Balotelli. Ne viens pas dans mon secteur. Tu peux y laisser ta peau dans ton cul comme un chercheur. Tu repars sans les magots. Road boy, we are run the place. Ils seront toujours dans le bateau. Tu te demandes encore qui sont les best. Meuf de E-General Pro. Je rentre dans le club, j'ai les yeux blancs comme Billy. Laissez passer, saluer le real dawn. Dune. Chaque phrase à la patate comme Ellie dans ton délit. J'entends à ta fireball. Depuis Bendo, ta femme, ton amour, c'est mon accent. Qu'il est vrai, qu'il est fort, qu'il est puissant. Rambo, Colombo, comme cartel que de beaux combos. Dans le tombeau. J'en ai vu de toutes les couleurs, surtout des rouges et des bleus. J'y reparlerai, j'avalerai pas leurs couleurs. Faut que les matins Napoléon, j'préfère rouler ma bœuf. J'suis marié à la street, la vie est plus belle à deux. DKR m'a dit Nina, y'a R. Tout de gros, y'a nous et y'a eux. Les terminés, c'est la routine. Le booking, c'est d'aimer. Si j'suis blanc, j'suis le coquillage sur les vannées. En désorient, on a te dé. T'es là, le trou, le bando, j'ai te dé. J'dormais dans le cul, vite fait à l'arrache. Le savoir est une arme, j'tourne les pages de ma calage. J'aime une pute quand elle est nymphe. Mes victoires sont des chèques, mes échecs sont des chefs-d'œuvre. Chef-d'œuvre, mes victoires sont des chèques, mes échecs sont des chefs-d'œuvre. J'en ai vu de toutes les couleurs, surtout des rouges et des bleus. J'y reparlerai, j'avalerai pas leurs couleurs. Faut que les matins Napoléon, j'préfère rouler ma bain. J'suis marié à la street, la vie est plus belle à deux. Carrière ma vie, Nina, y'a elle. Tout le monde, y'a nous et y'a eux. Madame Real General, comme depuis tous les mots. Rap français, planète rap. La nocturne. Aïe aïe enfin. Aïe aïe enfin. Aïe aïe enfin. Aïe aïe enfin. Je suis sur le joker, je défouraille. Le game est défectueux donc je pense que mon défaite laisse de trois feuilles et puis en bol. J'prends le temps à parler comme fait, j'ai pouillable avec le reste du bétail. Hey. La concu c'est juste un détail. J'suis là sans y être, j'pue la taupe à chaque centimètre de mon corps. J'te vois pas, arrête de gonfler la tête, petit peu sont tes mentors. J'suis dans la verdure comme Popeye, ouais ça me renvoie. Puis j'finis cette day, et ma raison se rendort. J'marche à deux picots, j'ai la nuit qui marcelle. J'vois que ça les a rendus fous, y'en a qui parlent seul. Y'a rien à voir ça, on veut la paix du boire ça. La chance, j'la connais que non, j'ai déboisé quelque part, s'aime, parle-moi. De paradis, le jour, t'auras fini de construire la passerelle. J't'attends là, j't'attends là. J'bouge pas, j'vois que le Népal est pas crème, ouais, j'm'ennoie. Y'a trop de mots pour que les petits m'écoutent. Pas assez de yo piste pour que les puristes me comprennent. J'rentre en cabine, j'ai des cernes. Minuit à l'aurore, la nuit d'or, et Moussa me donne le conseil. J'ai pas si le crime paye, mais ça paye le dompé. Gomi, on crache dans son dieu. Toi t'es juste à ce, j'crois que tu t'es trompé. Ça s'arrêtera avant les prompteux. J'roule les soucis, les tracas de ma mère. Les fiches de paye, ils caillent pas, tu sais. J'suis un bon loser, bah ouais, on caille pas à la règle. Si y'en a bien une qu'on suit, c'est celle-ci. J'ai noyé mon verre dans des Celsius. Mon nom lui évoque que des gâteries. Ça a du charme de se barrer en cette seule. Aïe, wow, aïe. J'suis dans ma daïté. Aïe, ouais, ouais, aïe. Aïe, enfin, aïe. J'suis dans ma daïté. J'vois les toits de ma cité. Depuis mon parking, ouais. Quoi que je fasse, tombe du mauvais côté. Comme la tartine, mais son carme taquine. Elle ment bien, elle sait que je sais qu'elle fait mine. Elle veut me faire croire qu'une Marie couche-toi là. A eu moins d'aventure que Martine. J'ai un CV sanguin, laisseront des tangas tremper jusqu'à ce qu'un C

avec bras, tu connais le bail, gava, tu n'es pas taille, on te vole ton vélouse. On m'appelle Mike, Fabelec Man, j'ai du mal avec quoi. Si je pèse, tu m'épouses. Sale pute, tu mastiques le manche, tu danses, je plastique tes hanches, il me faut aller, je cule le casting, te branche, tu colles, je lâche à la branche. Zoulou ne balance pas la team, Zoulou ne balance pas la team, Zoulou ne balance pas la team, Zoulou tu mens, tu paradis. Sors le tech 9 à rose en l'air. Lâche le rinté, tu vas rien faire. Je les entends jacter, j'envoie la dose. Je t'évite fort et je tire pendant que tu coffres. Je suis à fond dans la zik mais j'lève notre job. J'ai pas peur de mourir pour la cause. J'ai pas peur de m'opposer aux autres. J'ai pas peur de péter contre le système. Tu connais les bails, on fait manger la zone. Tu connais les bails, tu connais les bails. J'arrive, vous snare, vous snare, vous snare, vous snare, vous snare. Sors le tech 9 à rose en l'air. Santé, Olive, fleur, pas une nanterre. J'roule dans Paname, tout le monde me pisse. Snare, snare, snare. Tu fais l'ancien, toi t'es mon fils. Putain, j'suis en forme. Putain, j'suis en forme. Putain, j'suis en forme. Putain, j'suis en forme. Sors le tech 9 à rose en l'air. Sors le tech 9 à rose en l'air. Tu connais les bails, ma gueule. 100% rap français. Planète Rap. La Nocturne. Autre extrait du projet d'Escrew qui arrive pour le mois de juin. On va le faire. Jamais le même, on parle dans l'album, mal dans ma peau, la maille dans la paume, l'impression que je m'élevais. On évolue en marge, je suis né deux fois. Quand je suis venu au monde et quand le monde est venu à moi, ma couleur, c'est blanc, cassé, et la douleur j'en redemande. On va le faire, mais pas maintenant, on a le temps, des mots en l'air et au final on remet à demain. On va le faire, mais pas maintenant, on a le temps, ma paresse me fout en l'air et me met hors de moi. Je suis né la nuit, j'étais destiné à vagabonder. Je suis dans mon wagon, j'attends de conquérir le train. J'ai des bons conseillers, je suis des tumeurs et gamondis. Que la flémardise t'empêche d'enlever le pied du frein. Je suis né la nuit, j'étais destiné à vagabonder. Je suis dans mon wagon, j'attends de conquérir le train. J'ai des bons conseillers, je suis des tumeurs et gamondis. Que la flémardise t'empêche d'enlever le pied du frein. J'aime pas la fatigue quand il faut taffer l'album. Charbonne et je m'évade comme les Dalton. Avec les Matisse, des flots, j'en ai des tonnes. Des fois j'ai trop la flemme et je remets à demain. On va le faire, mais pas maintenant. On a le temps, des mots en l'air et au final on remet à demain. On va le faire, mais pas maintenant. On a le temps, ma paresse me fout en l'air et me met hors de moi. C'est dur de s'organiser, de se focaliser. Rendez-moi les jours que j'ai perdus dans leur totalité. Et quand j'ai pas de quoi payer, toujours moyen de moyenner. Je t'ai dit demain le mois dernier, maintenant je dois marcher calibré. Ma feuille est blanche depuis des heures, parfois l'inspi s'épuise et meurt. Envie de tout remettre à demain, mais la vie est remplie d'épreuves. J'ai donné de la valeur à des choses futiles et j'ai négligé des choses importantes. Pardonnez-moi dans ma tête, je suis qu'un gosse stupide. Tout remis à demain, j'ai pas quitté l'enfance. On va le faire, mais pas maintenant. On a le temps, des mots en l'air et au final on remet à demain. On va le faire, mais pas maintenant. On a le temps, ma paresse me fout en l'air et me met hors de moi. Je ne suis pas de ceux qui disent que non. Le mal est un aimant. La force de l'un et l'autre féconde simultanément. J'aurai pas le dernier mot. Éternellement, on veut tous voir le monde, découvrir tous ses éléments. Course après le temps, tous les jours, j'ai vu que beaucoup tombent dans les roues. Moi j'ai d'autres bâtons dans les roues, la raison était une erreur. Je cours après le temps pour des sous, j'en ai vu plein balancer. Hein. Pas voir le bout comme les océans, quand y'a du cash, on s'en sert. On va le faire, mais pas maintenant. On a le temps, des mots en l'air et au final, on remet à demain. On va le faire, mais pas maintenant. On a le temps, ma paresse me fout en l'air et me met hors de moi. Je suis né la nuit, j'étais destiné à vagabonder. Je suis dans mon wagon, j'attends de conquérir le train. J'ai des bons conseillers, je suis des tumeurs et gamondis. Que la flémardise t'empêche d'enlever le pied du frein. Je suis né la nuit, j'étais destiné à vagabonder. Je suis dans mon wagon, j'attends de conquérir le train. J'ai des bons conseillers, je suis des tumeurs et gamondis. rap français, planète rap. La nocturne. C'est Carice dans La Nocturne. Le film Braqueur, toujours à l'affiche. Comme une série de droites de plus empilées pour nous apprendre à aimer les pseudo-héros crapuleux. Kingster, Kingster. Despo Ruti. Kingster. On veut pas le changer, on veut posséder. Ils font des claques, coups des claves, viscères pour se détester. Stop, dites pas que c'est de l'argent facile, ils peuvent se faire péter, décéder. On se fait des soudés en un battement de cils. On va pas se mentir, la plaie plus argent facile. Je vois des mères qui pleurent, des frères qui partent chaque année. Moi j'appelle ça de l'argent durement gagné. Jamais le scandale, je comprends ce qu'on lui dit. Ceux qui me condamnent votent pour des voleurs lambda. Voleurs de génie, l'élite est plutôt culottée. Des voleurs de génie, on les voit jamais menottés. Ils tapent dans la caisse tout le temps, impossible de le noter. Touche à des ados, blettes, puis crache sur ma communauté. La haine nous fait perdre la conscience comme une OD. C'est dans la photo de famille de la France qu'on a mis nos têtes. Que dire de ces gangsters qui à double christianisme me ne croient pas en Dieu? Que dire de ces gangsters qui emprisonnent Rocancourt et extorquent des pays entiers? Regarde ces gangsters nous mettre en déficit. Les plus gros voyous ne viennent pas des quartiers difficiles. Costa tarif Saint-Laurent, black jaune vert, baraque dans paradis fiscaux et quatre chauffeurs. Non, les négros ils ont pas souffert. Pour leur money, money, money, faut pas ou pas, faut pas s'en faire. Avec la publicité, ils ont gagné le combat. Ou t'es capitaliste, ou tu restes en bas. On vend de la drogue à leur marmot, juste pour aider des gens normaux. J'incite pas d'îler ni à gratter le monde. Eux, le CAC 40 leur donne des doubles mentons. Ils auront pas ma voix mais ils vont l'entendre longtemps. Ils tuent des innocents à coups de frappe de drone. Ils sont pas mieux que ceux qui posent des bombes dans le drone. Certains vont cautionner la vendetta vu que l'invasion de l'Irak c'est du terrorisme d'État. Eux, leurs crimes sont légaux. Négro, comprends la définition de gangster sans dico. Avant les secours, ils envoient des gens filmer. J'attends tout calé pour demander à Coluche qui l'a fumé. Ils ont autorisé à jouer club, à nous vendre à 9 piges des pistolets en plastique. Et tu les vois faire les choquer, nous traiter de barbares quand ils comptent nos cadavres dans la street. Ils ont des snipers, l'armée régulière, les gardes du corps les plus entraînés. Est-ce qu'ils connaissent la peur? Comme ça ils rendent pas de compte au peuple. Ils impriment des billets, envoient l'huissier lever des meutes. Pour vous un Africain qui se plaint de la République, c'est un nègre ingrat dans sa tête, ça bug. Soi-disant dans mon plaid, je serai en train de baver sur les donuts et les caissières blondes du Starbucks. Votre eau potable n'efface pas tout le reste. Rendez-nous notre honneur, notre diamant et j'y retournerai. Je vois les braqueurs de bijouterie noire comme des vengeurs masqués du piège du Congo, négro. Ils interdisent le shit mais laissent mettre du goudron et des addictifs dans ta peuclos, c'est trop. Ils taxent les putas, Espagne, Belgique, Hollande, n'est-ce pas? Et l'UNICEF qui distribue des vaccins et du riz dans le tiers-monde aux Renois meurtri. C'est Lino Brown qui distribue de la dinde aux crackers dans un quartier que lui-même a détruit. Les Qataris et les marabouts Sonacotra, ils font disparaître leur islamophobie le temps de signer un contrat. Et ces banksters s'inquiéteront de finir décapités comme les rois à la révolution. Le nombre d'armes illégales atteindra les 70 millions. Et de toute façon, je pense que si les mecs de quartier prennent le pouvoir ici, y aura toujours de la justice du fils. Ils ont les gladiateurs pour se distraire. Aujourd'hui, ils ont Zlatan et Flood Mayweather. Notre diplomatie est contestée. On se tue pour un terrain. On est comme les States. Nous, quand on s'embrouille la journée, le soir, on se laisse en sang. Eux se font la guerre à la télé le jour, le soir, ils mangent ensemble. Au fond, je sais même pas si je tiens vraiment à voir tomber le système, ma gueule, tu sais. J'ai peut-être intérêt à le voir survivre, pour pouvoir le braquer comme Charlie Bauer disait. Je vais vous expliquer ce qui va se passer, pour que vous y soyez préparés quand ça arrivera. On va venir nous dire que quelqu'un vous demande à l'extérieur. Dans le couloir, il y aura un de vos supérieurs hiérarchiques. Il commencera par vous complimenter pour le magnifique travail que vous avez accompli, vous dira que le monde est plus sûr grâce à vous, que vous allez obtenir une citation, une promotion. Sur quoi il vous donnera l'ordre de me remettre en liberté. Vous allez protester. Vous allez même sans doute menacer de démissionner. Pour rien, je serai effectivement relâché. Je serai libéré pour les raisons mêmes qui vous font penser que je devrais être condamné. Je suis la collaboration zélée des hommes d'État les plus violents, des dictateurs les plus inhumains qui soient sur cette terre. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que certains d'entre eux sont les ennemis de vos ennemis. Et comme il se trouve que le plus gros marchand d'armes de la planète est votre patron, le président des États-Unis qui vend plus de matériel en une journée que moi en un an, il peut s'avérer embarrassant qu'on retrouve ses empreintes sur la gâchette.

Rappelle-toi mon sourire et tous nos fous rires avant que viennent les drames. Je sais que c'est grave, on a tous fini balafré. On a promis de pas lâcher, on a fait tout l'inverse par l'acheter. On s'en sort plus sans nos darons, on s'en sort plus sans nos darons. On s'en sort plus sans nos sœurs, on s'en sort plus sans nos négros. On s'en sort plus sans nos frères, on s'en sort plus sans nos frères. On s'en sort plus sans nos darons, on s'en sort plus sans nos darons. Je me suis demandé pourquoi j'ai jamais trouvé mon pote ami Norodka. Il s'est fait trouer. Et ça s'est passé dans la thèse d'à côté hier soir. On a connu la haine traîner dans les mêmes squares. On voulait de la fraîche, devine Neva Besba. Toujours dans les émeutes, on caillassait les mêmes stars. Mais qu'est-ce qui nous arrive? J'ai l'impression qu'on pète les plombs. Et moi, je suis trop naïf. Je crois que je vais tout régler avec des sons. C'est faux, c'est faux. Souvent, la vie n'a pas de pitié. Frérot, frérot, y'a pas d'amour ni d'amitié. Tous ces gens sont mauvais, mais on n'est pas mieux qu'eux. Ulysse, t'as vu? T'as un petit neveu. Noir, c'est noir, y'a plus d'espoir. Laissez-moi vivre, laissez-moi survivre. Laissez-moi vivre, laissez-moi survivre. Laissez-moi vivre, laissez-moi survivre, ma foi. On s'en sort plus sans nos darons. On s'en sort plus sans nos darons. On s'en sort plus sans nos sœurs. On s'en sort plus sans nos négros. On s'en sort plus sans nos frères. On s'en sort plus sans nos frères. On s'en sort plus sans nos darons. On s'en sort plus sans nos darons. Vous me manquerez à jamais. Attendez-moi. Attendez-moi. Attendez-moi. Vous me manquerez à jamais. Manquerez à jamais. Attendez-moi. Attendez-moi, s'il vous plaît. Gizmo, attendez-moi. Le projet de Gizmo est dans les bacs. Je vous rejoindrai. Oh, Ouda, Ouda, attendez-moi. Avenir JJ Dinas dans attendez-moi. La nocturne. Y Duvet. Attendez-moi. Et Zifu Koro, le son de Niska. Attendez-moi. Attendez-moi. Planète rap, 100% rap franche. Attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi. Charlie Delta Commando, DJ Pelec joue le piano. Charlie Delta Commando. DJ Pelec joue le piano. Violent comme à l'ancienne. Disque en purgé une peine. Tous ces nègres dans la haine. A toujours vouloir qu'on les craigne. Oh, je t'en prie mon Dieu. Pardonnez-les si me jugent. Ces jeunes hommes sont pas comme nous. Ils n'ont pas connu le luxe. Pourquoi vendre des mouches? Pour même pas faire 2000 euros. Sarma, t'es pas un tête. Bah bravo monsieur l'hétéro. Oh, madame la propre. Un jacuzzi en enfer. Dico, on va te faire. Des vrais coucou à nos matières. Qui vont prendre des armes? Si nous arrêtons de faire la guerre, négro trop deep, négro trop con, négro trop fier. Bang bang, rabou la caisse. Je t'agresse pas mon cul de graisse. Ah, je dois m'encaisser. Dorénavant, je dois encaisser. Zifu Koro. Zifu Koro. Escroc comme un Madoff. Ou escroc comme un mécano. Ils vont sucer mon sang, ils vont sucer mon sang. Je vais finir Drépano. Oh, monsieur l'agent, mais pourquoi nous brutaliser? De garde à vue, en garde à vue, on est.

100% rap français, planète rap. La nocturne. Le son de Lorca dans la nocturne, petit frère. Je te vois grandir petite sœur. Les années passent trop vite, les minutes passent comme des quarts d'heure. Je te vois grandir petite sœur. Les minutes passent trop vite, les années passent comme des quarts d'heure. Je te vois grandir, marche dans mes pas, un conseil me suit pas, je ne suis pas un exemple. Tu parles mal et tu réponds à celle qui t'a porté 9 mois dans son ventre. Elle a souffert, tu as souffert, depuis qu'a eu la besance de ton père. T'es trop vénère, tu trompes de guerre, le paradis se trouve sous les pieds de ta mère. J'ai plus de larmes qui coulent de mes yeux, tellement au fond de moi mec j'ai de rage. À l'horizon, sombre vision, j'ai l'impression de me noyer dans un marécage. J'ai pas fait pour être arrondi dans cette vie, même si au fond de moi j'ai pire que envie. Trop de soucis, trop indécis, impossible que je fasse supporter à la famille. Faut grandir. Moi je vieillis. Grandissez, moi je vieillis. Vous faites des conneries, moi je m'assagis. Vous faites des conneries, moi je m'assagis. Inch'Allah, bientôt les 30 bougies. Inch'Allah, bientôt les 30 bougies. Je serai peut-être plus là quand t'écouteras ce que je dis. Je serai plus là quand t'écouteras. Je te vois grandir, petit frère. Grandir, petite sœur. Les années passent trop vite, les minutes passent comme des quarts d'heure. Je te vois grandir, petit frère. Grandir, petite sœur. Les minutes passent trop vite, les années passent comme des quarts d'heure. Les minutes passent trop vite, les années passent comme des quarts d'heure. Passent comme des quarts d'heure, ils passent comme des quarts d'heure. Ils passent comme des quarts d'heure, les années passent comme des quarts d'heure. C'est pas facile de vivre nos vies, aussi dur que d'appeler sans crédit. Ici on est en mode survie, très tôt les petits commettent des délits. Là où j'habite, on grandit vite, très tôt confronté au manque de fric. Va à l'école au lieu de vendre du shit. Reste ambitieux, mais pas rêveur. Ton futur métier ce n'est pas dealer. Sombre est l'avenir, ils frigiront. Mais dans tes yeux je vois encore la lumière. Plus le temps passe, plus forte est la douleur. Crache les sinon te tueront tes rancœurs. J'ai vu des choses qui te font peur. C'est pour ça que je te saoule depuis tout à l'heure. Vous grandissez, moi je vieillis. Vous grandissez, moi je vieillis. Vous faites des conneries, moi je m'assagis. Vous faites des conneries, moi je m'assagis. Inch'Allah, bientôt les 30 bougies. Inch'Allah, bientôt les 30 bougies. Je serai peut-être plus là quand t'écouteras ce que je dis. Je serai peut-être plus là quand t'écouteras ce que je dis. Je serai peut-être plus là quand t'écouteras ce que je dis. Je serai peut-être plus là quand t'écouteras ce que je dis. Bang, bang, bang, bang. Je serai peut-être plus là quand t'écouteras ce que je dis. Je serai peut-être plus là quand t'écouteras ce que je dis. Je te vois grandir, petit frère. Grandir, petite sœur. Les années passent trop vite, les minutes passent comme des quarts d'heure. Je te vois grandir, petit frère. Grandir, petite sœur. Les minutes passent trop vite, les années passent comme des quarts d'heure. Ils passent comme des quarts d'heure. Ils passent comme des quarts d'heure. Les minutes passent trop vite, les années passent comme des quarts d'heure. Ils passent comme des quarts d'heure. Ils passent comme des quarts d'heure. Ils passent comme des quarts d'heure. Les années passent comme des quarts d'heure. La nocturne. Y du V, le morceau s'est brassé dans la nocturne. Le président Barack Adama qui arrive aussi juste derrière. On a galéré grave, savait, au fond de la GH, je le fais pour le S, pour la mif, pour la base. On misera si c'est rentable. Ce qu'on a semé, Dieu nous le rendra. Je coûte un mec de test qui ont des comptables. Je la calache des nids, range ta taille, taille. Sais-tu qui nous sommes, d'où l'on vient, ce qu'on véhicule. Maman aïe, faut plus t'en faire. Je suis forgé par mon vécu. Tu veux mon cœur, tiens ma bête. Le moi les hypocrites et tous ces fils d'eux. La même équipe avant la peupard. Maillé, maillé, tout comme le Qatar. J'ai perdu du temps dans mon zouzou. Mais pris de l'avance dans le game, serre. Demande à mes rails, on est à ce. Maintenant rien qu'ils veulent, tous nos ici. Si t'as un plan A, prévois le plan B. Ne fais pas de la D si tu passes à l'As. Faut pas le plan Q et le cadenas. Tu nous oublieras pas comment j'ai avlé l'As. Niamar D, on y sera. Un doigt à la concu, qu'est-ce qu'il y a. Pas là pour ton strass et paillettes. Je veux juste la mama sur un yacht. Avance, mais tes necks sont où? J'suis dans mon bed. J'pense à la mif au bled. J'suis dans mon bed. J'pense à la mif au bled. Ce qu'on veut, c'est brasser. Brasser. Brasser comme un odou. Brasser comme un odou. Brasser comme un odou. Ce qu'on veut, c'est brasser. Brasser. Brasser comme un odou. C'est comme un odou. Mes gars sur avance, mais tes necks sont où? Banaki, j'suis dans mon pet. Brasse à Douala, j'suis dans mon pet. Gassel Mali, j'suis dans mon pet. J'pense à la mif au plaid. Panamada, j'suis dans mon pet. Guada Haïti, j'suis dans mon pet. Cap Vert jusqu'au Maghreb, j'suis dans mon pet. J'pense à la mif au plaid. Chaque phase de Bavana va valoir minimum 10 000 euros. Je veux la première classe Emirates. Fuck la place du milieu. On veut grailler le méchoui. Personne veut être perché. Shaitan me chante et continue. Bon, je me laisse verser. L'Afrique s'est fait pouiller. Elle s'est fait baiser poliment. Parlez pas de fête annuelle d'artifice. Nous on veut du zèle, pas des monuments. Je ne pense pas qu'à danser sur un beat qu'à danser. Je veux plus me pencher, ni même me casser le dos. Nettoyer le plancher, cirer les pompes. Ça faut même plus y penser. Donc, pas là pour rigoler. Pas là pour rigoler. Pas là pour rigoler. Pas là pour rigoler. Pas là pour rigoler. Pas là pour rigoler. Je saurais ce que j'ai à faire. Pas là pour rigoler. Pas là pour rigoler. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Planète rap, 100% rap franche. Je dis le premier t'appartient pas. Ta boîte ne t'appartient pas, ta boîte ne t'appartient pas. Bisous, ta boîte ne t'appartient pas, ta boîte ne t'appartient pas. Bisous, ta boîte ne t'appartient pas, ta boîte ne t'appartient pas. Bisous, ta boîte ne t'appartient pas, ta boîte ne t'appartient pas. Le garçon est mignon, la vie est mignonne. Le garçon est mignon, la vie est mignonne. Le garçon est mignon, la vie est mignonne. Le garçon est mignon. La vie est mignonne. Je prends la température. Je prends la température. Je prends la température. Je prends la température. Oh oui, je suis un peu bouquin, donc les filles me cherchent du retard. Je suis depuis que c'est trop tard. Les autres garçons me cherchent pour la bagarre. Quelles sont mes limites? Quelles pour que j'élimine? Quelles sont tes limites? Je sais très bien qu'ils ont peur que je m'élimine. Ils étaient dans le thème avant moi, mais ça sent la fin pour eux. Je vais commettre un attentat, ça sent la fin pour eux. Y'a quoi, y'a pas le temps pour toi. Y'a quoi, y'a du temps pour moi. Le garçon est mignon, la vie est mignonne. Le garçon est mignon, la vie est mignonne. Le garçon est mignon. La vie est mignonne. Le garçon est mignon. La vie est mignonne. Je prends la température. Je prends la température. Je prends la température. Je prends la température. C'est bien, ces connards ils disent que je dors. Pourtant j'ai des disques d'or. Tu sais bien, ta gola est pleine copine. Deux, trois quarts sont des coquines. Ça me convient. J'suis la boussole de la voyoucratie que la juge avait délaissée. Vu la mentale de l'équipe, de la tribu, de la ville, on va rien laisser. Y'a des morts, y'a des larmes, pourtant c'est qu'un drame. J'ai les femmes, j'ai l'oseille, maintenant j'veux pas n'âme. Le garçon est mignon, la vie est mignonne. Le garçon est mignon, la vie est mignonne. Le garçon est mignon, la vie est mignonne. Le garçon est mignon. Je prends la température. Je prends la température. Je prends la température. Je prends la température. Je vais prendre la température. Tu connais mon tempérament. Si y'a Heja Heja, j'allume tous tes rappeurs. T'es pas des lovers. Shit, coke, crack, feu. Toujours calé dans le caleçon. Un mec, deux, test. Il sait toujours comment caler ça. Le garçon est mignon. La vie est mignonne. Le garçon est mignon. La vie est mignonne. Le garçon est mignon. La vie est mignonne. Le garçon est mignon. La vie est mignonne. Je prends la température. Je prends la température. Je prends la température. Je prends la température. Je prends la température. La boîte boîte ne t'appartient pas, la boîte ne t'appartient pas. Visio, la boîte ne t'appartient pas, la boîte ne t'appartient pas. Visio, la boîte ne t'appartient pas, la boîte ne t'appartient pas. Visio, la boîte ne t'appartient pas, la boîte ne t'appartient pas. Nadine chérie, oh, danse pour moi. Ma jolie, danse pour moi. Physio avec Fababi, NASA, Que Black à l'instant. Planète Rap. 100% rap français. C'est la nocturne avec Monsieur Bustaflex dans la nocturne 100% rap français. Flex, flex. Busta, Busta, Busta. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Wax, wax. C'est les beats. Remix, remix. Pas d'humeur à serrer tes mains. Pas d'humeur à faire des câlins. Flex, flex. Busta. Pas d'humeur à faire des câlins. Je reviens de loin tel un marin. Pas d'humeur à serrer des mains. Baisez-moi la main tel un parrain. MC, je te connais pas, t'as déjà ton cul sur mon canapé. Dans quelques mesures ça va déraper. Je suis HIP, HOP, t'es RAP. FLEX, Busta. FLEX, Busta. 9-6, Busta. 2-0-1-6, Busta. Détendu comme un alcoolo. Détendu comme un lacolo. Descendu comme un laclo-clo. Descends de Dieu, pas d'un bonobo. Pas d'humeur à faire des câlins. Je reviens de loin tel un marin. Pas d'humeur à serrer des mains. Baissez-moi la main tel un parrain. MC, je connais pas, t'as déjà ton cul sur mon canapé. Dans quelques mesures ça va déraper. Je suis HIP, HOP, t'es RAP. FLEX, Busta. FLEX, Busta. 9-6, Busta. 2-0-1-6, Busta. Détendu comme un alcoolo. Détendu comme à la colo. Descendu comme à la clo-clo. Descends de Dieu, pas d'un bonobo. Des câlins, je suis lucide, je décide, je suis trop malin. Pas d'humeur à serrer des mains, je suis lucide, je ne mise que sur les miens. Ton style est imprécis, même si dans ta tête, si les petits t'apprécient. Même racine, je te finis, j'ai bon appétit. Même assis, vu d'ici, tu es tout petit, plus petit que la petite. FLEX, Busta, si t'as pas la force, abandonne. Pas d'humeur à continuer, donner de la force à des gens qui s'en connent. Le pouvoir, on le prend, on le garde, on le donne. L'imbécile qui le garde trop longtemps, on le conne. Au royaume des nous voyons, les rois sont bonnes, peu importe la douleur, toutes les nouvelles sont bonnes. Mon négro, tu peux flipper. 93-800, l'adresse IP. Le son est trop puissant, je vais le clipper. Toi comme d'habitude tu vas le ripper. Je fais ce que je veux, aucun flow me résiste. Qui flex ta beu et gay et l'anesthésie. Ils veulent pas de moi en fit, les MC se désirent. Je les laisse aliter en observation, fuck leur opération. Pas d'humeur à faire des mimiques. Je suis dans le vrai négro, je milite. C'est mon putain de feeling. Je casse des têtes et je casse des dits. Je dédie ce débit à mon boy beat vitre et ce limite. Pas d'humeur et pas de mimique. Je suis dans le vrai négro, je milite. C'est mon putain de feeling. Je casse des têtes et je casse des dits. Je dédie ce débit à mon boy beat vitre et ce limite. Je reviens de loin tel un marin. Pas d'humeur à serrer des mains. Baisez-moi la main tel un parrain. MC, je connais pas. T'as déjà ton cul sur mon canapé. Dans quelques mesures ça va déraper. Je suis HIP, HOP, t'es RAP. FLEX, Busta. FLEX, Busta. 9-6, Busta. 2-0-1-6, Busta. Détendu comme un alcoolo. Détendu comme à la colo. Descendu comme à la clo-clo. Descends de Dieu, pas d'un bonobo. 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. Yeah. Yeah. Ah. Yeah. Well. J'en ai assez entendu, maintenant je dis basta. Au bout d'un moment c'est juste énervant. Mec tu me forces à te le dire, t'es la crasse, tu le détergent. Donc s'il vous plaît que quelqu'un ôte de ma vue tous ces castras. Les mecs n'ont aucun courage, rien qu'ils pompent et copient. Quand il ne s'agit que de tracer sa route, creuser sa tête. Si je dois lutter pour ma survie comme le dernier des mammouths, je vais te blesser, t'ouvrir de partout comme des sandalettes. Je suis dans les clashs depuis que je suis môme. Balance des bombes et je sais que dès que tu nais, tu mets un pied dans la tombe. Donc à tout moment je monte mon zèle. Et quand je dis que je suis numéro 1, bidon crois pas que je montre le ciel. On n'a rien sans rien mon fils c'est l'or. Quand tu manges, donne à manger aux chiens. Du style de mort. Moi le

kiffe comme les petits chats. J'ai mis le pack sur son mort, fallait j'kick black. Sombre, tic tac, boum. Fallait même NTM 10 bébé, c'est ça. La bombe, bébé. Sweet, dangereux. Fais tomber les têtes comme un chou de mangeur. Vieux ox, nouvel en deux grandes vengeurs. Et tous ceux qui diront le contraire sont dingues. Plus dingue qu'un conque qui vient en cité sans son flingue. Soudain, mon seul tourne le dos à un ex-prola. Qu'il avait fait projet pour 2, 3, 4, 5, voire 16 dollars. À l'époque, allez, smoke ta veuve, ouais, ta veuve. Déballez, smoke là, ya. Et si on a plus smoke, aya. Ma gueule, car faut qu'on les rende fous comme un syntax. Maintenant tu sais que dans le rap j'ai 5 dames. Dans mon lit parfois 5 dames, pour 5 slips, ouais. Mon type à moi ce serait faire 55 pas mal, 275 clips, ouais, ouais. Normal j'suis dingue type, différent comme Manu Jason Medi, ouais. J'en place une pour mon cousin de l'Essonne Freddy Jedi. Au monde j'arrive, mais le monde m'a pas cru, ouais. Pourtant je voulais prouver que comme l'Australopithèque et Christian si je mange pas cru, ah. À plusieurs reprises, champion en emporteur, je deviens le pire traumatiseur de sœurs. Quand j'tise du Mozo Eze, en l'honneur mes Pozo Eze. T'envoie des mots aux EZ avant de les exploser comme au Gozo Eze. De base à en passant par sans un deux, n'hésitez pas grâce à Rizzi. Tu kiffes pas magique, magique. Je disparais les prêtres comme Gartiment. Parce que j'ai jamais eu le Garci mec. Pourtant je suis bâtard qui m'aurait gâté si je meurs. Premier mois de toujours pire le flambeau, ouais. Comme Rambo, plus en du point que le trombeau. On veut le roro, coule le chef, le Sky et Zozo. Format people, on vient pour contrôler le réseau, ouais. Le format qui veulent, on l'a, ouais, on l'a. Et maintenant dans leurs oreilles on va squatter, tout éclater car on veut le roro. Coule le chef, le Sky et Zozo. Format people, on vient pour contrôler le réseau, ouais. Le format qu'ils veulent, on l'a, ouais, on l'a. Et maintenant dans leurs oreilles on va squatter, tout éclater. Alors maintenant c'est à vous, qu'est-ce que t'en dis là? Tu peux faire mieux ou quoi? T'inquiète mec, t'inquiète, je sais que c'est à mon tour de crier là. Premier couplet, t'es différent. Vas-y. Écoute comment je pose ça. Vas-y, je pose. Je pose le B. B comme brutal, sur un beat battant. B comme beat de boule, big rappeur de rime haut de gamme. B comme badolo, black flambeur, black flambeur. Brisqueur, brise-fer, banlieuneur, 9-3 pour te satisfaire. Pose le U, U comme unique en son genre universel, unique comme méga. Unité dans le rap, tu rêves ou quoi? U comme usual, suspect, usine à rime refait. U comme l'unanimité dans le rap depuis 9-5 et tu le sais. Je pose le S, S comme sadique, schizo. S comme chaîne, saisisseur de mic au faux MC. S comme Sandy, Sensen style. S comme Superflex, quand je sors le latex. IPP, garde et mouille ton index. J'prose le D, T comme terreur, technicien. T comme t'arrêter, tu t'éteurs de téton. T'asseur de terrain, tonton, tacticien. T comme, c'est toi que j'parle. T comme tueur de ta pute, explose comme la TNT. T pour t'escater. J'prose le A, A comme artiste, animal. Aventurier d'un hip-hop perdu. A comme agile, habile, assidu. Dans le taf, passe une taf. J'attaque, j'assure, j'accélère. A comme actual force, A comme authentique. Laisse-nous rouler notre boss, moi et Zozo. Quand je cause jeune, ils disent qu'on se pose. Si bien que Neuchet et Jojo, ça flatte, c'est sûr. Alors mes blés sur la table, bust à flex, oxy, format people, rien d'insurmontable. On veut le roro, coule le chef, bust à Zozo. Format people, on vient pour contrôler le réseau. Le format qu'ils veulent, on l'a, ouais, on l'a. Et maintenant dans leurs oreilles, on va squatter, tout éclater car on veut le roro. Coule le chef, bust à Zozo. Format people, on vient pour contrôler le réseau. Le format qu'ils veulent, on l'a, ouais, on l'a. Et maintenant dans leurs oreilles, on va squatter, tout éclater. On veut le roro, coule le chef, le style Zozo. Format people, on vient pour contrôler le réseau. Le format qu'ils veulent, on l'a, ouais, on l'a. Et maintenant dans leurs oreilles, on va squatter, tout éclater. Car on veut le roro, coule le chef, le style Zozo. Format people, on vient pour contrôler le réseau. Le format qu'ils veulent, on l'a, ouais, on l'a. Et maintenant dans leurs oreilles, on va squatter, tout éclater. Ah, Zozo, j'espère que tout éclaté là ou quoi? Alors, tout éclaté, mec, j'abîme, c'est du bon ça. Ah, c'est du bon ça. I support my peeps. Zozo man, the Scorpio pick up on foot plus. Les BUSDA, I support my peeps. Yeah, pour neuf, yeah, support my peeps. Get ready, prepare for war. New worldwide music for a new world order. A smash hit doesn't mean you gonna cash shit. Fucking with fake labels. Get ready, prepare. Ready, prepare for war. No coincidence. You think it's sweet cause we make beats. On veut le roro à l'instant, la ruée vers le roro. Un classique pour finir. Il y aura évidemment avant la fin de la saison une nocturne spéciale classique. Mais là c'était le son de Zoxy et Bustaflex. On veut le roro. Le son des sages-poches juste avant. C'est fini pour cette nocturne. Merci à vous d'avoir veillé tard. Merci d'être resté avec nous dans la nocturne. Rendez-vous lundi, hein. L'album est excellent. L'album de SCH Anarchy. On pourra le découvrir dès lundi 20h-21h. Passez une bonne nuit. Fabuleux est là, au contrôle. C'est parti, rap R&B en non-stop. Ciao. Skyrock Radio Station. Rap and R&B. Non-stop. Skyrock.